apéro DE, la ténébreuse unité de feu néochrome. C'est comme ça qu'on fonctionne, bande de putains. Ouais, j'ai le capote sur le beat, débarque, j'ai un flow de bonhomme. Juste ma bite, pétage, j'ai mis de l'eau de Cologne. C'est pour les jeunes de mon époque, postés dans les blocs. Les porcs, on les fuck, tout le monde égorge dans les zones. On brûle tout, c'est le slogan. Les catins sucent nos glands, la puissance est trop grande. Faites une offrande à l'empereur de la crasserie. C'est chantant comme au temps de la prise de la Bastille. La fête est finie, je ramène mes lyrics. Ta bête c'est sinistre, alors arrête tes chminiques. C'est pas bien compliqué, j'ai mon briquet, mes carrettes, mon toche, mes yeux qui doivent être combinés. Je fais chier les constipés, les canons sont sciés. Bande de putes, votre luxe sera confisqué. À la longue on s'y fait, j'ai même plus qu'on kiffait. Prends ton ticket ou les stars vont te niquer. Des putes de rêve me sucent le sexe pendant que je fume le Z. Je bute le chef, ta luxe se pète, c'est dur de test, c'est lui de F. T'as vu ce que j'ai, shalom, j'suis juste le best. Alors, ta jupe se baisse, shalom, et ton jules se lève. J'ai car plus le temps de corriger mes erreurs, j'suis motivé, sauf que j'consomme trop de substances prohibées. Seul Dieu peut me juger, tu veux me pomper vieux, t'auras que ma queue à sucer. Fille, tu seras mieux en sûreté. Allez tous vous faire enculer, amputer d'un bras ou d'une jambe, moi dans ce bas monde j'ai tant sué. 91 meurtriers, c'est l'heure de briller. Torpiller le gibier, dépouiller leurs billets. Fini les cons-vaches, viens assouvir tes fantasmes. Et disait le champagne, moi je tire des grandes lattes. Ici l'étendard, nique les gendarmes au top de ma forme, comme à l'époque où sniffait le vandarme. Des rimes sombres et vraies, différentes équipes vont me tester. Les lits seront défaits quand je partirai, je compte laisser. Un souvenir aux gens que j'aimais, à ceux qui m'ont aimé. Peu de sourire, je suis tellement laid que les vitres du miroir ont pété. Des putes de rêve me sucent le sexe pendant que je fume le Z. Je bute le chef, ta luxe se pète, c'est dur de test, c'est lui de F. T'as vu ce que je fais, shalom, tu juste le baisse. Alors, ta jupe se baisse, shalom, et ton jules se laisse. Carotte, syphilis, va pas choper la syphilis. Moi je dis que le sicisme, je reste à l'iriciste illicite. J'envoie mon venin car je veux que les gars sucent le frein. Je pas sur le chemin, dégâts du 9-1. Abandonne avant de manger une balle dans le torse. Dehors les flaques s'endorment et les petits se prennent pour Charles Bronson. Y'a plus de farandole, on rappe encore, on veut des bagues en or et faire de l'argent propre, sinon c'est marchand de drogue. Pétasse, on a du taf, toi t'as qu'à faire serveuse. Fais pas ta nerveuse, juste mon missile à ta chercheuse. Je rêve que de cacher, de fuir à l'heure, salope, sois gentil. Un vice de renard, plusieurs regards qui fait froid dans le string. Tu lèves ton verre à la tienne, les avions détruisent les gratte-ciels. Et on nous arrête pour des lits de faciès. Qu'on fume le gland sur le champ, ici on fume le champ, vendu le